Le président syrien Bachar al-Assad a fait parvenir le 4 octobre un message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. Le destinataire l'a félicité sincèrement pour le 10 octobre, marquant cette année le 72e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée. Il lui a souhaité santé, bonheur et succès, ainsi que progrès et prospérité continue au peuple coréen. Il s'est exprimé convaincu que les efforts communs des directions de deux pays tiendront leur rôle positif pour resserrer les relations d'amitié et de coopération bilatérale conformément au mieux-être et aux intérêts des peuples de deux pays amis.